Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio Radio 106.8 à Toulouse, sous une chaleur ardente et sous un studio plutôt frais, ma foi, en compagnie de Inès, l'incroyable Inès. Oh, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de se retrouver ici. Et le truculent, le sémillant, comme tu aimes bien employer ce terme, notre chroniqueur préféré, disons-le, Manu Muret. Bonsoir, camarades. Alors, nous voici donc à la 12e émission de... émission hors-série de Nurse with One List, tentative d'exploration donc de cette liste, je l'ai mal dit, et l'émission donc vraiment autre chose sur au Radio pied de la lettre. Au pied de la lettre, merci, les mots m'échappent, ouais. Mais c'est bon, on va les rattraper, on aura tout le temps de les rattraper pendant cette émission, où on va poursuivre donc cette tentative d'exploration de la Nurse with One List. Alors cette liste, vous commencez peut-être un peu à l'avoir en tête. Vu que c'est là, on en a déjà fait 11, donc dans les années, début des années 70, donc il y a eu ce groupe Nurse with Wand qui a sorti un album, premier album, qui se qualifiait en tant que non-musiciens, qui ont, voilà, dans leur jaquette, dans leur pochette, voilà, ils ont déballé plus de 250 noms pour de groupes d'artistes, de chanteurs, de chanteuses, de non-musiciens, performeurs, voilà, qui pour eux était vraiment la crème de la crème à l'époque. Et donc voilà, on parcourt au pied de la lettre. Donc on a commencé avec le A, puis vient le B, puis le C. Aujourd'hui, on va clôturer le C et entamer le D. Donc voilà, donc un joli programme en perspective. D'ailleurs, sera notre. J'ai oublié de présenter Nico d'ailleurs. Je suis en train de penser à ça. Excuse-moi, Nico. Nico ? Entendre Toulouse dans mes oreilles ici à Bruxelles. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié de te présenter, parce que vu que tu n'es pas en présentiel, voilà, je me suis dissipé. Nico, donc, de Radio Panique, qui est en direct à Bruxelles, et qui est là depuis le début avec nous, qui est un peu à l'initiative, malgré lui, de ces hors-séries qui n'ont pas fini encore. C'est pas fini, il en reste un bon paquet. Mais bon, on fait ça avec grand plaisir. Alors d'ailleurs, on va commencer de suite avec Nico, qui va nous clôturer donc, le C, avec un groupe, Coupole, si je ne m'abuse. Tout à fait, c'est un groupe qui est... je ne sais pas si vous connaissez Wire, le groupe punk de l'Angleterre qui a joué fin des années 70, qui s'arrêtait entre 80 et jusqu'à 84. Ce groupe existait de 4 membres, et 2 membres de ce groupe-là s'appelaient Gilbert et Lewis. Et ces gens-là, ces personnes-là, donc c'est Bruce Gilbert et Graham Lewis, ces gens ont un peu trop d'énergie, trop d'idées, et ils ont formé plusieurs duos dans cette période-là, duo, trio, quartet. Et un de ces duos, c'est Coupole. Il y a un album qui existe. Il y a 2 faces. La face A, c'est un 45 tours avec un morceau que de 4 minutes. Et la face B, c'est un 33 tours. Et là, c'est un morceau de 20 minutes. Et il y a une grande différence entre la face A et B. Et on va écouter maintenant la face B. Oui, je vais, torturer un peu de 20 minutes musique de Coupole avec le morceau qui s'appelle Clouba Coupole. Thank you. En immersion sous cette coupole, vraiment, on était bien là, on était bien. Nico, dis-nous-en un petit peu plus là. Excuse-moi. Dis-nous-en un petit peu plus là de ce morceau là que l'on vient d'écouter, la coupole. Donc. Ah, je pense qu'il faut pas parler trop. C'était justement, il faut absorber le musique. C'est génial, tu vois. C'est un album que j'ai plus écouté depuis une vingtaine d'années. Et la dernière semaine, je suis à nouveau de réécouter ça et on boucle. C'est vraiment incroyable. Et c'est très marrant parce que ce face-là, j'adore tellement bien. Et l'autre face, j'arrive pas à le capter. Ah ouais? Pourquoi ça ouais. Change un petit peu de manière de faire ou... Ouais, je sais pas. C'est complètement notre univers et j'arrive pas de rentrer dans cet univers-là. Je sais pas pourquoi, mais... Bah, en tout cas, nous, ici, dans les studios, tous les trois, franchement, ça nous a mis dans une douce sérénité. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais, carrément. On s'y ennuie pas. Ouais, c'est le genre de musique qui, très vite, au bout de 5 minutes, je fais « Ok, j'ai compris, je vois ce que tu veux faire. » Et là, pas du tout, il y a un rythme qui s'installe et on a envie de voir ce qui va se passer. Les changements, ils sont discrets, enfin... Ouais, c'est ultra intéressant. Ouais, merci, Nico. C'est fou parce que c'est un morceau qui, à la fois, dure 20 minutes 30 et c'est frustrant. Mmh, ouais, enfin, carrément. Je sais pas vous, mais ça aurait pu durer une dizaine de minutes de plus. Je prenais avec plaisir, quoi. Mmh. Ouais. Tu peux le remettre, hein. Allez. Et du coup, qu'est-ce qu'on sirote avec cette face A de coupole? Je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas. Et je veux non plus essayer de faire un jugement, rien du tout. C'est quelque chose que je n'arrive pas à capter. J'ai essayé quelques fois de réécouter et je n'aimais plus jamais le face A. Donc, je ne veux plus l'entendre. Mais peut-être que vous avez envie de le faire un jour et vous pouvez peut-être me convaincre de dire mais essaye quand même une fois à nouveau pour l'écouter. Mais je pense aussi qu'on a entendu ce morceau ici. C'est vraiment dur de faire quelque chose en 4 minutes qui peut être dans le même niveau. Bon, avis aux auditeurs, pour relever le défi, faire aimer l'autre face de ce groupe à Nico. Ouais, c'est marrant, d'habitude, Nico, quand tu nous parles de groupe, tu nous dis du bien d'une musique, on a envie de l'écouter, mais là, t'en dis tellement de mal que j'ai envie de l'écouter aussi. Je suis juste trop curieux, quoi, du coup, de voir à quoi elle ressemble, cette face. Ah. On pourra peut-être... Allez, tu sais quoi? On la met en toute fin d'émission. Ah, voilà. Allez. Ah bah ouais, c'est voilà. Toute fin d'émission, comme ça, on pourra se faire une opinion si on arrive, nous, à rentrer dans cette musique. En tout cas, c'était super beau. J'ai adoré ce morceau de couple. Ouais, carrément. Ouais. Et donc, je pense que c'était un super chouette morceau pour clôturer la lettre C de la liste North with Wound. Et donc, comme je suis un peu gourmand, j'aimerais de rester un peu au mot. J'aimerais de continuer parce que Coupole, c'était en fait le duo, comme on vient de dire, de Gilbert et Lewis. Donc, Bruce Gilbert et Graham Lewis. Et ces deux-là venaient de la formation Punk Wire, qu'on va encore entendre aussi dans la liste North with Wound dans 30 semaines environ, parce que c'est dans la lettre W, donc ça prend du temps. Donc à ce moment-là, vous avez peut-être déjà oublié Coupole et Dome qui vont venir dans quelques instants. Et aussi Wire, qui était considéré aussi comme... qui ont porté le punk un peu vers la sphère plus intellectuelle. Et ça, je pense qu'on peut reconnaître un peu dans la musique de Coupole, que ce n'est pas de punk, mais la sphère intellectuelle qu'ils ont créée avec leur musique. Et Coupole, c'est en fait un suivi de un autre projet de eux qui s'appelle Dome, D-O-M-E. Et c'est à nouveau le même duo qui ont créé quelques albums sur le label de 4AD, 4AD, je pense que vous le disiez en français. Et donc, ouais, c'est... J'ai trop de mots pour expliquer de quoi ça sert, donc je préfère plutôt d'écouter cette musique-là. Ok, on va maintenant rentrer vraiment dans un autre univers, c'est exactement le même duo, et ils ont quand même arrivé de me convaincre d'écouter cet album-là. Ils ont encore fait 3 autres albums sur le même nom, et encore des autres formations qui ont créé avec le même duo. Et donc maintenant, on va écouter le morceau. Et voilà, c'est là le morceau, je pense. Oui. Donc on va écouter le morceau Meth Man de Doom qui était sorti en 1980. These fucking bags, I'll cut their fucking head off with a fucking axe. I'll fucking piss on it. Quel beau, quelle belle fin avec de beaux mots. Beau sacré finish. Autre univers, oui. Pas tellement. Hein. On retrouve des similitudes avec le premier. Hein. Oui, il y a des choses qui sont la même chose, mais déjà la voix qui s'ajoute qu'on n'a pas eu dans le premier, mais aussi que c'est un rythme, comment dire, qui est plus dansant, je trouve. Oui, c'est un peu plus enjoué. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est un peu aussi, ici on entend encore les influences du punk de Wire, parce que Wire à l'époque était passé d'un punk rock rapide, et avec Doom, c'était devenu un post-punk sombre et ambitieux. Ah. Ça, c'est un peu... Doom a poursuivi l'expérimentation, abandonnant souvent les structures traditionnelles des chansons en faveur de sons trouvés. de fragments mélodiques et de ce que les critiques Stephen Grant et David Sheridan ont décrit comme des bruits mécaniques sacrés, des bruits mécaniques saccades, gardant rarement du rythme vague. Et je pense que c'est une très belle description de ce musique-là. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression d'être dans un peu un garage, avec des mécaniciens et mécaniciennes autour. Oui, tout à fait. Et donc, on va vite écouter un dernier morceau de Doom. Comme ça, je ne prends pas trop de votre temps, parce que j'ai déjà pris presque toute la première demi-heure de l'émission. Donc, comment dire Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. mais franchement, avec des sons pareils, tu peux prendre une heure, si bien tu veux. Sûr. Sincèrement, c'est okay. Un régal. Hein. On va le faire maintenant avec Cancel Your Order. Donc, on va annuler la commande avec Doom, qui était sorti en 1980. Allez, on s'écoute ça. Your order, crossing the border, change the menu, a different revenue, a glorious change, refining the focus, getting in range. A colorful race without any bars, improved sanitation, certified by the authorities, and by the majority surprised. Oh, all I could do was whistle, no, all I could do was whistle, although in the state of Nigeria, my steady aquarium, steady, my third world, because he ain't gone back, putting the bell in the nation shop, till the end still. Voilà, on vient de s'écouter le second morceau de Dom que Nico de Radio Panique nous a présenté en direct de chez lui à Bruxelles. Donc voilà, on est passé de la coupole au Dom. Et maintenant, peut-être qu'on va... Enfin, peut-être que Nico, tu voulais dire quelque chose, je ne sais pas. Oui, je vous recommande vraiment de découvrir un peu tous les albums de eux. Ils ont sorti 4 albums. Donc il y a Dom, Dom 2, Dom 3, et le quatrième, c'est quoi comme titre? Pyramide. Presque. Will you speak the world, this world? Donc, <c'est... rire> Mais il y a aussi un autre duo qui est devenu un trio après, qu'il y a encore avec le patron de label Mute Records. Et le nom a été changé. Ils ont mis Dom ensemble avec Mute. Et ça, c'est devenu Duet Emo. Et ça, je conseille aussi de découvrir. C'est de musique qui était sortie en 83. Et encore des autres albums de ce duo-là. Je vous vraiment recommande de faire une petite recherche et d'écouter cette musique de ce duo-là. Ben, avec plaisir. Ils nous viennent d'Angleterre, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Okay, vraiment Londres. On sent bien le côté british. Voilà. Très bien. Bon, merci Nico. On te retrouve tout à l'heure. Tout à fait. Et je suis curieux d'entendre vos choix cette fois-ci. Hein. Ben oui, avec plaisir. Puis voilà, donc la coupole au Dôme. Et puis face au désastre de la civilisation humaine, nous passons aux débris que Manu Muret va nous présenter. Tatatin. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Coupole et Dom, mais là, bon, je sais pas. Il y avait un truc qui se passait là dans l'Oklahoma, une espèce de rage punk. Donc du coup, ça devient du débris. En effet, on traverse l'Atlantique. On va du côté de la belle cité pavillonnaire de Chicacha, dans l'Oklahoma, pour découvrir le groupe Débris. Il y a pas grand-chose à raconter sur ce groupe. Il y a juste un chiffre, enfin une date, 1975. Ben, retenez bien cette date, c'est la date de formation du groupe Débris. C'est la date où ils vont enregistrer leur album et c'est même la date où ils vont se séparer. Voilà un groupe qui aura fait peut-être 4 concerts, un album, une carrière très très fulgurante donc, mais qui sera vraiment passé à la postérité. Un groupe dont se revendiquent par exemple les Sonic Youth. Une légende raconte que David Bowie, je ne sais pas si c'est vrai, mais ayant entendu leur unique album, ensuite s'est enfermé pendant des jours, tout sombre, tout déprimé, en train de se dire mais c'est nul ce que je fais. Enfin, bon, je ne sais pas si cette anecdote est exacte, je l'ai lu sur internet, donc il y a des chances qu'elle soit inexacte, mais ouais, ça résume bien en tout cas l'ampleur qu'a pris ce groupe, et pas seulement par sa présence dans la Nurse With One List. C'est vraiment un groupe qui a marqué, et quand on lit des blogs, des revues, des recommandations, ils sont présentés comme des gens ayant inventé. Non, la musique punk, elle a été inventée en 1975 à Chicacha, c'est Débris qui a inventé le punk. J'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, on retrouve dans leur blues rock à brin torturé certains éléments de punk. J'y vois aussi un petit parallèle à faire avec Chrome, dont je vous avais parlé il y a quelques émissions de ça. Le petit côté un peu science-fiction, le côté un peu ésotérique, et certains sons, certaines sonorités. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, donc je vais le dire au fur et à mesure. D'ici là, je vous propose de découvrir Static Disposal, c'est le seul et unique album du groupe Débris, et on va s'écouter les deux morceaux qui ouvrent l'album, à savoir One Way Spit, suivi de Female Track. One, two, three, four! Thank you. Les deux titres qui ouvrent l'unique album du groupe Debris, c'était One Way Spit et Female Tracks, donc tiré de cet album Static Disposal, sorti en 1975. Je vous l'ai dit, c'est vraiment l'année Debris. C'est une année où ce groupe existe, se crée, se forme, sort son album et ensuite part en Debris, comme son nom l'indique. 4 concerts, uniquement 4 concerts, mais des centaines et des centaines d'heures à répéter dans le Static Disposal Subterranean Office, savoir juste la cave du bassiste en fait. Hein, simplement. Et en décembre 75, ils enregistrent leur seul album, une session en studio de 7 heures, et hop, plié, c'est réglé, c'est Static Disposal. Pas de label qui soit intéressé par le projet. Du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent leur propre label. C'est souvent le cas des groupes de la Nursery Zone List. Leur label qui s'intitule, si je ne m'abuse, Static Disposal. Voilà. Pour moi, ils sont contents de leur nom de groupe et ils l'utilisent à toutes les sauces. Je faisais un parallèle tout à l'heure avec Chrome, dont j'avais parlé il y a 2 émissions de ça. Ben, non seulement il y a ces petits bruits un petit peu SF, là, ces petits piou-piou, ces petits trucs qui viennent tout au long de l'album, qui leur fait un petit point commun avec Chrome, et le deuxième gros point commun, c'est que voilà, des musiciens qui trempent dans le LSD, et cette musique, elle est complètement créée sous acide, même l'album est enregistré sous acide, et ça s'entend bien, et ça s'entend très bien, même sans acide, et moi j'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur cet album-là, et je vais continuer à développer, à essayer de vous transmettre ce coup de cœur avec les 2 titres suivants, toujours donc, tirés du même album. On va s'écouter « Witness », et par la suite, on va s'écouter Tricia. Et je crois que ça, outre les 2 morceaux qu'on vient d'entendre, ceux qu'on va entendre et ceux qu'on va entendre encore après, vous allez vous rendre compte que, je ne sais pas s'ils ont vraiment inventé le punk, en tout cas, ils ont inventé une musique en 1974 qui est précurseur de pas mal de choses, et de choses bien ou de choses moins bien, mais on retrouve vraiment beaucoup, beaucoup d'idées très originales dans cet album-là, qu'on seront développées un peu par la suite, dans les années 70 avec le punk, ou peut-être même plus tard dans les années 80 avec une certaine forme de fusion, pour ne pas dire ska-punk même sur un morceau avec cette addition de sax. C'est assez étonnant, et c'est un album, vraiment, il n'y a pas un morceau qui ressort, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous passer la moitié de l'album, il n'y a pas un morceau qui ressort, c'est juste un voyage hyper, hyper super agréable dans ces années-là, même sans acide. Et mais si vous avez pris des acides, s'il faut c'est mieux, n'hésitez pas à nous le dire en nous téléphonant dans les studios de Radio Radio au 05 34 51 11 88. D'ici là, on s'écoute donc deux titres supplémentaires, donc Witness et Tricia, tirés de Static Disposal, l'unique album du groupe Débris. Allez, c'est parti. I were taking a neon stroll through the illuminated maze of the hot inner city. We were lost in the dark, blinded, in dubious of not being able to care less. Like here we happen to be, it could have been the end may never come about. When rainbows of valleys clocked, nine flat on open range, an oncoming figure ripped through a once protecting hot shield of self-reliance. Well, listen to you to this, I mean face to face we stood, shocked to the point of immobilization, hardly an onion spread apart, apprehensive to say the least. My head became a non-audio, yet visual-only entity in regards to the whole terrifying encounter. Yes, nothing but an 8mm projection device, powerless to produce an equivalent reaction. Yet, and I say yet once again, the point, if you will allow for that, of the anonymous aggressor, was absorbed. Something like Jesus is Lord. When we had been released from the hypnotic bonds, which I suppose stem from his apparent sincerity, of the mysterious assailant, we continued our electromagnetic ascent across concrete seas of production kings, unable, try as we may, to shade the previous happenings from our conscious selves. Some 2 weeks later, the very essence of our night's drone game had lingered in our innermost, hauntingly may it be, when the identical message confronted us again in the form of two effervescent young lovelies, proclaiming the love of all that is and was and all that will be belong eternally to them, and any who desire to screw their acceptance to the point of absolute abandonment to Christ. Preposterous flash through our mind. Yet, and by now you must be quiet, and I do say quiet, familiar with the use of yet. I say yet, something much greater than I, place the finger in, rather than on, our heart, causing us to assume a functioning role in the body, saved as miracles are often discussed, washed in the blood of the Lamb, and in conscious cohabitation with the perfect, if you understood, the perfect spirit we rejoice. so neat. Talking to everyone you meet. Oh, talking about Trisha. Trisha! Trisha! De la Nurse With Von List sur Radio. Ah, je m'entends en écho. Et qu'est-ce que je voulais dire par là ? Ce qu'on vient d'écouter à l'instant, c'était donc le groupe Débris, encore deux extraits de l'album Static Disposal, unique album de ce groupe, mais franchement qui marque de son empreinte. Tu connaissais, Nico ? Oui, je connaissais cet album-là. Et comme tu disais, je pense que c'est un album vraiment réussi et on entend que c'était un groupe qui a influencé pas mal des autres formations, par exemple comme Zouk Swift qui s'inspirait 8-10 ans plus tard de cette musique-là. C'est génial ce qu'il a fait et je pense que c'était une très bonne idée de faire un seul album qui était parfait. Ouais, c'est vrai qu'il touche vraiment, ouais, tu dis, il touche vraiment la perfection sur cet album-là. C'est assez impressionnant. Les copains en présentiel, les camarades en présentiel, vous en avez pensé quoi ? Bah non, mais moi, ultra surpris, pareil. Assez déroutant, ce premier morceau de cette seconde tournée que tu nous as offert, là. Ouais, carrément. Moi, j'ai envie de réécouter ça. Et puis je pense que ça a dû traverser mes yeux ou mes oreilles, en fait, il y a très longtemps. Et du coup, là, je vais faire une petite archéologie de débris. Et toi, Inès ? Pur plaisir, rien à rajouter de particulier, une réelle découverte. Sensation laitière. Oh là là, j'ai envie de dire que c'est incroyable. Hein. Ben, on va continuer, Manu va continuer à nous déchiffrer débris. Oh ben, je vais citer surtout les musiciens, enfin, c'est deux personnes qui sont à l'origine de ce projet, Débris. C'est Charles Ivey, surnommé Chuck Poison, qui est scénariste, je cite, qui fait les arrangements électroniques, synthétiseurs et chants, et aussi la basse. Et c'est Rec Tomo, qui est écrivain, et qui joue aussi du chant, de l'électronique, cornette, et qui fait aussi les arrangements. Voilà. Et il y a des musiciens qui viennent pour enregistrer cet album. Hein. J'ai pas été précis tout à l'heure. Le groupe Débris a vu sa création et surtout toutes ces centaines d'heures de répétition dans le Static Disposal Subterranean Office, la cave du bassiste. Mais cet album, pour le coup, a été enregistré en studio avec un vrai producteur et des musiciens additionnels, Johnny Gregg à la batterie et au chant, Richard Davis, saxophone, orgue et bruit, je cite, Diana D au chant, c'est peut-être elle qu'on entendait dans le fameux Female Tracks. Et pour finir, c'est Dick Rowntree qui est à la percussion et à la flûte. Voilà, les gars ont fait qu'un seul album, se sont dissous au bout de 9 mois d'existence. C'est bien quand même de rendre hommage et de citer leur nom. Pourquoi ils se sont dissous ? Bah, tout bêtement, hein, je vous ai dit que c'était un groupe qui trempait méchamment dans le LSD, qui peut ouvrir des univers parallèles, mais peut aussi se rapprocher d'univers parallèles déjà existants et sombrer dans le mysticisme. Et c'est ce qui est arrivé à notre ami Chuck Poison Ivy, puisqu'il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu, il a rencontré le christianisme, et il a considéré que le christianisme et le rock, c'était complètement incompatible. Donc, il a décidé de dissoudre Debris. Et c'est pour ça que ce groupe n'a qu'une seule année d'existence. 4 concerts, c'est fou quand même. Hein, 4 concerts, un seul album. Ils sont quand même passés à la postérité grâce à cette liste, mais pas seulement. C'est ça qui est quand même assez fou. On a parlé de pas mal de groupes obscurs que la liste avait fait renaître. Bah là, pas forcément. Cet album-là, il a été réédité, puis encore réédité. Beaucoup de musiciens s'en revendiquent. Il aurait peut-être fait sombrer David Bowie dans la dépression pendant quelques jours. Enfin, c'est un album donc, qui a marqué l'histoire de la musique pour un groupe qui a une si courte existence. C'est quand même assez fou. C'est beau. Il y a un truc poétique. Ouais, il y a un truc poétique dans cette histoire. C'est incroyable. Bon, là, pour le coup, le Chuck Poison Ivy, j'ai l'impression que ce nom m'est familier. Je pense que j'ai dû le googler parce que j'ai déjà vu ça me dit vraiment quelque chose et oui, ouais, carrément. Alors ça s'écrit pas pareil hein, parce qu'il y a Poison Ivy, je crois qu'il y a un personnage si je ne m'abuse, et lui il s'appelle Charles Ivey, pour être précis c'est moi qui prononce mal donc je t'induis en erreur, Ivey, et son surnom c'est Chuck Poison, et donc du coup en général surtout chez nos amis américains le surnom on le fout en plein milieu entre le nom et le prénom, ce qui nous donne du Charles Chuck Poison Ivey pour être précis, mais tu l'as peut-être googlisé, je ne sais. Ouais, je pense à l'époque ça doit être sur AOL. En tout cas, je vous propose de terminer cette exploration. C'est un album très court, il fait 35 minutes, grand max. 11 titres seulement, on en a écouté 4, on en a écouté 2 de plus. On aurait donc écouté plus de la moitié de cet album, mais ça valait vraiment le coup. Et puis, amis auditrices, je vous recommande particulièrement de vous jeter sur ce qu'il en reste. Hein, ça doit se trouver sur YouTube. Je ne sais pas s'il y a un Bandcamp, mais au moins, on doit pouvoir l'entendre sur YouTube. Tout l'album est vraiment excellent. Et comme vous avez pu l'entendre, parce que je me fais plaisir à envoyer les morceaux par pair, il y a vraiment un suivi tout au long de l'album. Il y a des sonorités qui reviennent, les morceaux s'enchaînent. C'est extrêmement bien fait. On va s'écouter donc 2 morceaux de plus. Là, on est plus vers le deuxième tiers de l'album. On va s'écouter Manhattan, suivi de Flight Taken, pour finir cette exploration donc de ce groupe Debris dans la Nurse With One List au pied de la lettre. Il est 22h02. Vous écoutez Radio Radio. You. You will be mine, girl. You will be mine. You will be mine, girl. You will be mine. You will be mine. light taken seems to be so enticing. Light taken seems to be so enticing. Featuring temperatures from the zero to nothing, objects all around me, objects all going through me, objects all up from the ground, seems to take me, now take me to the Lizard King, take me to the Street Lizard King. Bring him here on his knees. Bring him here and let's read his dream. And let's read his dream. Someone is being released. I'm not going to throw your Ferris wheel into the river. Someone is being released. I know the guy who took out his eye and revealed a freeway of diamonds. I've seen your kids. I've seen the stencils that they use. I'm not going to stay up and wash those bricks. I'm not gonna stay up and feed that ghost. The bricks of fear will crumble under another century's sun. Someone is being released. Programming time with the boys seems all wasted. Programming time with the boys seems all wasted. Most times beside the unusual world, locomotive in the magazine. We're both trying to find the unusual locomotive in the magazine. Seems to have zero find him, zero find him, zero find him. Il est 22h09 sur Radio Radio, vous écoutez vraiment autre chose, numéro 177, waouh déjà, et c'est toujours nos hors-séries au pied de la lettre, c'est la 12e édition, nous sommes en tentative d'exploration de la Nursery Zone List, et on vient de découvrir en 6 morceaux le groupe Debris, son unique album Static Disposal, et maintenant je laisse la parole au présentateur du soir, le sémillant lui-même. Un jour, il faudra que je regarde dans le dico ce que ça veut dire. Le sémillant Guénolé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je vais vous parler de Dzyan. Alors, je ne suis pas sûr de la prononciation. C'est D-Z-Y-A-N. Un groupe allemand, pareil, éphémère, un peu moins fulgurant que Debris. Mais bon, qui a fait quand même 3 albums, donc entre 72 et 74. Petit clin d'œil, Nico. 3 albums, donc le premier éponyme, ensuite il y a Time Machine et enfin Electric Silence. Moi je me suis attardé sur celui-ci que j'ai écouté voilà, plusieurs fois. Donc voilà, c'est une guitare, enfin ils sont 3, une guitare, une basse et un percussionniste. Je crois que c'est le percussionniste qui est un peu plus à l'œuvre dedans et qui lui est suisse et pas allemand. Et, mais bon, ça. Ça touche un peu à différents instruments, comme vous allez pouvoir l'entendre. Donc, j'ai pas trouvé trop d'infos sur ce groupe, ou j'ai pas cherché assez, disons-le, parce que Manu sur Debris, il arrive à quand même, avec 3 dates, avec 3 chiffres, il arrive quand même à dire plein de choses. Donc, peut-être c'est un aveu de fainéantise de ma part. Mais en tout cas, je me suis penché sur le mot Dzyan, parce que voilà, on est quand même au pied de la lettre, donc il faut s'attarder sur les mots et sur les lettres. Et donc voilà, Dian, donc c'est alors soi-disant le livre de Dian serait soi-disant parce que c'est pas prouvé, vérifié en tout cas, un très ancien livre, un vieux texte qui serait un peu d'origine tibétaine, qui serait un peu à la base, qui aurait auguré la théosophie. Donc on en revient un peu à Dieu. Oh. Théosophie, qui veut dire la sagesse de Dieu. Donc un peu un mouvement spirituel qui allie philosophie et religion. Donc voilà. Et je pense qu'on va un peu, l'entendre. Enfin, vous allez clairement même l'entendre dans les morceaux que je vais vous faire écouter. Que, bon, déjà le côté origine tibétaine, tout ça, dans des petits gongs, des petits voilà la percussion très présente, petite sitar, tout ça. Et puis très très reposant. Vraiment très apaisant, très reposant. Voilà, c'est pas tout à fait pareil que Coupole, que le morceau que Nico nous a fait passer, mais on peut avoir un peu le même genre de sensation à la fin. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait boire ? Ah, qu'est-ce qu'on pourrait boire avec ça ? Ah bah, je pense que là, il faudrait boire un chai. Un petit chai ? Ouais, un chai avec un gros CBD. Un petit chai avec un gros CBD. Ben voilà qui promet. On s'écoute quel morceau ? Alors, on va commencer par The Road Not Taken. S'il te plaît, Manu. Thank you. Voilà, nous venons d'écouter The Road Not Taken du groupe Zion, allez, on va pas la prononcer à la jamaïcaine quand même. Groupe allemand, donc leur dernier album Electric Silence de 74. Quel réverb. Ouais, on a vachement de réverb. Ouais, c'est étrange. Ah. Et là, il y en a plus. Hey. Ouais, c'est toi, Minico, là, qui nous fait réverbérer, je crois, avec ta hi-fi. Tout à fait. Ouais. Voilà. Si vous nous écoutez, veuillez. Ah, ça, c'est marrant quand j'écoutais de la radio quand j'étais plus jeune, ça venait souvent. Ah, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre poste pendant que vous parlez au téléphone? Bon, on va tout demander pareil. Super, ce Zian. Ouais, je ne sais pas du tout comment ça peut se prononcer à la demande. Zion. Voilà, c'est d'origine plus ou moins tibétaine, mais des langues. J'oublie le nom des. Pas araméen, mais de type, quoi. Des très vieilles langues. Et petite question, du coup, est-ce que tu sais combien y a le son dans ce groupe? Oui. Tu n'as pas écouté. Ah non, j'ai pas écouté, je suis désolée, Guénolé. J'ai dit que c'était un trio, ils étaient trois. Trio, ok. Basse, guitare, mais d'autres instruments, et le percussionniste qui est un peu aux manettes. Et d'ailleurs, on va poursuivre cette écoute de ce groupe avec un morceau un peu plus long. Où ils ont, voilà, en gros, ils ont, je crois que c'est un album de 6 morceaux. Il y a 4 morceaux qui sont à peu près tous à 4 minutes 50. Ça fait presque flipper. Et 2 autres qui sont à 8 minutes 30, 9 minutes. Où le premier de 9 minutes, il y a plus, on va dire, le guitariste qui fait son improvisation. C'est un groupe qui est quand même vachement basé sur l'improvisation. Et là, le second de 8-9 minutes, c'est plus le bassiste qui fait des petites envolées comme ça, où il fait son petit shredder, son petit... Mais bon, ça va, ce n'est pas trop dérangeant. Donc on va s'écouter ce morceau, et par contre, je n'ai pas le titre en tête. Manu, est-ce que tu pourrais nous le rappeler, s'il te plaît? Bien sûr, c'est For Earthly Seeking. Voilà, exactement, For Earth Seeking. On va s'écouter ça, donc ce petit morceau. We'll be right back. Donc voilà le cinquième morceau de l'album Electric Silence de Zion. Zion, allez, soyons jamaïcains. Zion, Zion, like Zion, non, on va pas la faire. Tu l'as fait. Et donc voilà, un morceau, donc, comme vous l'avez pu entendre, un petit peu surprenant, où ça mêle l'Orient et l'Occident. Oh waouh, tellement bien dit. Incroyable cette montée de A à Z du début d'album, une nappe très très calme et on a envie de boire un chai et au final à la fin, quand même envie de boire une bonne bière quoi. Ça oh, c'est bah, l'Occident ça. Ça m'a carrément renvoyé à Sweet Smoke là, que j'écoutais quand j'avais une vingtaine, de... vingtaine d'années. Ah, c'est du bon psyché, effectivement très orientalisé, ça ne m'étonne pas que ça t'ait accroché l'oreille et c'est très bon, merci beaucoup. Bah ouais. Juste un petit mot sur la pochette, parce que c'est vrai qu'on parlait souvent des pochettes d'albums. Et alors là, pour le coup, la pochette, est, je suis désolé de le dire, mais assez dégueulasse et trop pas représentative. C'est assez étrange, c'est une espèce de. Il y a un peu deux monstres, de fantômes, un peu à la SOS Phantom, avec des effets spéciaux de SOS Phantom, mais encore moins bien fait. Et un peu pixelisé, enfin bref, c'est, et des couleurs très mal choisies. Voilà, donc ne vous fiez pas à la pochette, parce que la musique vaut vachement plus le coup, c'est vachement plus sympa à écouter. Voilà, tu connaissais toi, Nico ? Oui, je connais bien ce groupe-là, et ça c'est intéressant, je trouve. J'ai, entre-temps, j'ai pris aussi un chai glacé avec moi, et ça fait bien, donc je vais encore prendre un petit goutte pour... Yes. Oula, mais tu as mis un peu trop de whisky dans ton chai. C'est le CBD, ça fait tousser. Ouais, j'espère que je reste vivant. Non, c'est la musique, ça fait cet effet-là. C'est, en général, c'est les moments où on s'étouffe et on tousse sans arrêt que c'est son moment de parler, mais c'est vrai que c'est à toi d'enchaîner. Et bon courage. Et non, juste en attendant que Nico reprenne son souffle ou ses esprits, parce qu'il ne nous dit pas tout dans la concoction de son chai glacé. Hein. Mais voilà, moi je dansais juste parce qu'après, moi je dois repartir parce que je. Bon, bref, pour des raisons qui ne vous regardent pas. Donc c'était pour vous faire un petit coucou et je tenais à remercier mon chroniqueur, producteur et camarade avant tout, Manu, de m'avoir laissé au pied du mur avec une présentation de ma part. Oh waouh, mais quel final ! Quel final, Guénolé ! On te... voilà, on part sur les vivas de la foule. Et maintenant, on continue sans présentation, sans présentateur. Là, c'est n'importe quoi, c'est l'anarchie. Et je crois que c'est à toi, Nico. Oui, c'est ici à Bruxelles qu'on peut à nouveau prendre la parole. On va maintenant y aller vers l'Allemagne, mais on passe avec quand même de l'Espagne, parce qu'un des musiciens de la formation que je vais parler vient de là-bas. Il était né à Cordoba. Mais à l'âge de 8 ans, ses parents étaient déménagés vers l'Allemagne et il a s'installé là-bas. Et depuis là, il a créé, pas à ce moment-là, mais 10 ans plus tard, il a commencé à créer de la musique. Et on parle de Deutsche Amerikanische Freundschaft, aussi avec l'abréviation DAF. Donc DAF, c'est pas la marque de voiture, mais c'est... TAF comme formation de musique. Et le nom vient aussi un peu de... comment dire c'est plutôt une combinaison entre le Deutsche Sowjetische Freundschaft et le RAF, donc die Rote Armee Fraktion. Ils faisant un peu le lien entre les deux. Mais je pense que c'est bien peut-être de commencer d'écouter un premier morceau qui vient de leur premier album. Et le morceau s'appelle... Untitled A, parce que 8, parce qu'ils n'ont pas de titre, ils sont tous sans titre, et il y a 22, je pense, et donc on va écouter le morceau 8 de cet album-là, qui s'appelle Produkt der Deutsche Amerikanische Freundschaft. ... Je suis incapable de prononcer aussi bien que mon camarade Nico le nom de ce groupe, donc du coup je te laisse la parole. Nico ? Ah, ça l'a... C'est son chai. Ah, mince. C'est le chai qui... Là, ça l'a mis KO. D'un côté, le morceau était soudain et déconcertant. Oui, oui, c'est vrai. C'est... Écoute, comment on fait ? Ah oui, dans ces cas-là, on dit que nous écoutons Radio Radio 106.8. L'émission vraiment autre chose. Alors que vous pouvez podcaster, écouter. Vous pouvez de la podcaster aussi, aller sur le blog Haut et Fort en tapant vraiment autre chose sur un moteur de recherche de votre choix. Mais bon, DuckDuckGoGo. DuckDuckGoGo. Non, c'est un moteur de recherche. Non, mais c'est vrai que ces podcasts existent. On peut les trouver par le biais que tu viens de dénoncer, mais aussi sur le site Mixcloud, la plateforme Mixcloud. On tape Mixcloud Radio Radio, et là, on découvre tous les programmes de Radio Radio. Il y en a plein, et c'est vraiment très bien. C'est souvent musicalement aventureux, ou alors c'est souvent poétiquement aventureux. Et sinon, vous tapez Mixcloud, vraiment autre chose, et là, vous pouvez écouter toutes nos 177 émissions. Déjà, ouais. Et notamment, là c'est le 12e, donc les 12 au pied de la lettre, et vous connaîtrez tout sur tous les groupes de la Nursery Zone List qui commencent par la lettre A, B ou C et une partie de la lettre D. Est-ce qu'on t'a retrouvé, Nico ? Nico. Ah, mais c'est fou. Alors, on a un incident technique que je ne saurais expliquer. Que faire ? Eh ben, on va discuter. Oui. Mais qui voilà, mais qui voilà. Ah, il y a juste mon petit bouton que j'ai pas vu que j'ai éteint mon micro. Parce que je voulais justement entendre que Manu prononçait une fois Deutsch, Amerikanisch, French. Moi vivant jamais. Mais bravo, tu le prononces très bien. Et super chouette ce morceau d'ailleurs. Oui, carrément. Ouais. Parce que là, c'est encore, je pense, c'est l'année 79. Donc, c'est le quartet à ce moment-là. C'est Gabi Delgado Lopez qui a la voix. Il y a Robert Curl au batterie. Il y a Kurt Dalk, qu'on connaît mieux comme Pirolator, qui était aux instruments électroniques. Et il y a aussi le guitariste de basse Michael Kamner, et le guitariste Wolfgang Spellmans. Et en 80, ils décident de déménager vers Londres. Pas toute l'équipe, mais quelques membres de cette formation-là. Et ils s'installent à Londres. Et un jour, ils ont eu l'occasion de jouer un concert qui ouvre un concert de Wire. On vient de retourner au début de l'émission où je parlais de Wire, le quartet. Et là, Deutsche Amerikanische Freundschaft a eu l'occasion de jouer en pré, je ne sais pas comment on dit ça en français, comme premier d'ouverture de programme de la soirée. Oui. Première partie, si facile que ça. Et donc ils ont eu l'occasion de faire ça. Et donc ils ont enregistré un album à Londres sur le label Mute. Et là c'est d'un côté enregistré dans le studio, et la deuxième phase, c'est l'enregistrement du concert. On va dans quelques instants écouter un morceau de concert, mais on va enchaîner avec deux morceaux de Deutsche Amerikanische Freundschaft. Et ici, on rentre plutôt dans l'univers de musique électronique, et moi qu'on vient d'entendre, ou que encore de le punk, le new wave qui était influencé. Ici, on rentre plutôt dans l'atmosphère londonienne électronique. Et on va écouter deux morceaux consécutifs qui s'appellent, que je ne me trompe pas, parce que j'ai... Voilà, on va écouter... c'est quoi ? Die Lustigen, Stiedel, suivi de Coco Pino. Tout à fait, c'est ça. Voilà, merci Manu. Je ne prononce pas le nom du groupe, mais les morceaux. Die Lustigen, Stiedel, suivi de Coco Pino. Coco Pino à l'instant. On s'est mis les retours à fond là dans les studios pour danser. Putain, c'est fou, ces deux morceaux enchaînés qui se ressemblent absolument pas. Oui, tout à fait. Donc et je me suis aussi trompé parce que le premier morceau venait vraiment de concert qu'ils ont donné juste avant Wire à Londres. Et donc le deuxième morceau, c'était un morceau qui était enregistré encore dans le studio de Connie Plank en Allemagne. Donc c'était vraiment un album qui est un peu un mix entre ce qui était encore à Düsseldorf et qu'ils étaient déjà à Londres. Eux, ils s'appelaient aussi leur musique, une fois qu'ils étaient à Londres, de Electronische Körpermusik, donc IDM, de Electro Body Music. Donc on peut le considérer dans un des fondateurs de Electro Body Music. C'est pas exactement ça, mais quand même, beaucoup le considèrent comme un des premiers groupes qui ont créé ce type de musique, qui était une grande influence pour la house et le techno après. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je suis un peu absent aujourd'hui, j'ai l'impression. Désolé pour ça. Non, pas du tout. Non, au contraire, je te trouve hyper concis, moins factuel que d'habitude et plus dans le ressenti. Ça fait plaisir de t'entendre triper à écouter une musique, quoi. Tu nous fais vraiment bien partager ça. Je trouve ça très agréable. Et on va encore continuer avec un dernier morceau de même album qui s'appelle Kinderfunk, qui est aussi plutôt dans la musique électronique. Et peut-être, parce que, comme tu m'as dit, Manu, que tu étais envie d'écouter la face A de l'album de Couple, si que tu as le choix, je dis peut-être, après l'émission, de ne pas passer ça, mais peut-être de morceaux qui venaient du troisième album du Deutsch-Amerikanische Freundschaft, qui s'appelle Der Mussolini, et ça, je pense, c'est plus intéressant pour l'émission, mais je ne t'oblige pas de le faire, tu as le choix complètement, si tu préfères plutôt faire le couple que de Deutsch-Amerikanische Freundschaft pour découvrir les deux choses différentes, parce que pour moi, le morceau Der Mussolini, qui n'était pas dans la liste North with Wound, c'est vraiment un morceau qui est vraiment le morceau le plus important de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Waouh! Voilà, tu nous as perdu entre le morceau que tu n'arrives pas à rentrer dedans et le morceau capital qu'il faut absolument entendre, on va limite tenter de passer les deux si tu peux m'envoyer ça en off. Et on a quelques minutes encore devant nous. D'ici là, on s'écoute Kinderfunk. C'est ça, tout à fait. Yeah. Bon, ben, encore très chouette tout ça, Nico. Merci. Avec plaisir. Plaisir. C'est pas de la musique que j'ai fait moi-même. Hein. Non, il y a une. C'est étonnant. Je pensais pas que ça prendrait cette tournure-là, cette émission. Ouais. Et un truc dansant, technique, un peu jeu vidéo, là, sur ce dernier morceau, un peu 8 bits, vachement agréable. Ouais, envie de danser. Et puis, on se disait ça en écoutant ce morceau-là, qu'il y a une petite cohérence, on va dire, dans tous les sons qu'on a entendus. Aujourd'hui, parce que des fois c'est vrai qu'on passe un peu du coq à l'âne comme ça, parce que c'est aussi ça la Nurse's Wound List. Mais là, je sais pas, moi je perçois plutôt le vachement de percussion dans tous ces groupes. Ouais, voilà, je sais pas, c'est fort plaisant. Beaucoup de répétitions, beaucoup de trance, je vous rejoins carrément là-dessus. Ouais, ouais. Il y a une espèce de cohérence ce soir. Musical qui fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup d'albums de ce groupe, Nico ? Non, en 82, ils ont considéré qu'ils ont dit tout. Et donc, c'était normalement la fin de cette formation-là. Je pense qu'ils ont créé 4 ou 5 albums. Et donc, en 86, ils se sont réunis pour refaire encore un album. Mais entre-temps, l'année passée, Gabby Delgado, il était décédé. Donc, il n'y a maintenant plus de nouveaux albums qui vont sortir. Mais je pense que les 3-4 premiers albums, c'était vraiment le moment le plus important. Celui-là qui était sorti en 86, mais toujours aussi beaucoup moins que les premiers albums. Ok, bah écoute, merci pour la découverte. C'est vraiment hyper bien ce qu'on entend ce soir, ça fait plaisir. Je vais essayer de rester à la hauteur avec un groupe qui répond au doux nom de The Deep Freeze Mice. Et c'est un groupe très surprenant et qui porte en lui un nombre incalculable de paradoxes. Enfin, j'en ai noté à peu près 4 de paradoxes. Ce groupe... Tu sais pas compter jusqu'à 3 ou quoi ? Non, mais je pense qu'il doit y en avoir plus des paradoxes parce que je me suis vraiment arrêté au tout premier album de leur discographie, ce qui leur vaut leur présence. Je ne sais pas compter jusqu'à 2. Oh non, Manu. Je suis resté au premier. Bah, c'est-à-dire que cet album-là il sort en 1979 et que le deuxième album de Nurse With Wound List sort en 81. Et, de Nurse With Wound, pardon, sort en 1981 et c'est là qu'il rallonge la liste du cinquantaine de mots, donc de noms, de groupes, d'artistes et de chanteurs, comme tu l'avais bien expliqué, Guénou, au tout début. Tout ça pour dire que je pense que c'est à cet album-là qu'ils doivent leur présence dans la Nurse With Wound List. Donc je me suis arrêté à cet album-là. Et il y en a beaucoup d'albums, comme je vous le dirai un petit peu tout à l'heure. Ce groupe donc nous vient de Leicester, je crois que ça se prononce Leicester, si je ne dis pas de bêtises. Leicester. Leicester, c'est ça ? Leicester. Leicester. Leicester. Leicester. Leicester. Leicester. On est en Angleterre. C'est un groupe qui est catalogué comme étant un groupe de New Wave. Ce n'est pas forcément le premier qualificatif qui me viendrait à l'esprit. Ce groupe, il est formé au tout début des années 70 par des camarades d'école, tout bêtement, Alan Jenkins, qui est guitariste et chanteur, et Sherry Lawrence, qui est à l'orgue et au clavier, et qui sont ensemble à l'école avec le bassiste Mike Bunnage. Voilà. Et ils décident de former un groupe. Les influences revendiquées, elles sont simples, c'est Frank Zappa et Rupert l'Ours. C'est un petit personnage de livre pour enfants. Et aussi, forcément, la science-fiction. Je crois que je me spécialise sans savoir dans les groupes influencés par la science-fiction et par l'œuvre de Philip K. Dick. Et c'est le cas de ces Deep Freeze Mice qui veulent vraiment... C'est un de leurs premiers paradoxes. C'est vraiment un groupe... On va écouter un morceau là tout à l'heure qui fait une musique plutôt foutraque, plutôt marrante, qui ne se prend pas au sérieux. Et pour autant, c'est des musiciens qui se prennent vachement au sérieux, qui tiennent absolument à... avoir du succès, quoi, aller sur la voie du succès. Ils se prennent un petit peu pour les Beatles, notamment, On va écouter un titre de suite pour se faire un avis sur la comparaison, si elle est valable ou pas. En tout cas, voilà, des gars qui se disent comment devenir célèbre, bah, faut commencer, faut sortir un album. Donc en 1979, ils s'enferment en studio et en une journée, ils sortent le premier album qui s'appelle My Geranium Are Bulletproof. Mes géraniums sont à l'abri des balles. On va s'écouter de suite le titre qui introduit cet album. Pardon, le temps de checker. Ça nous rend curieuses et curieux. Mais totalement. Et il y a de quoi l'être. C'est un groupe hyper curieux, ce Deep Field Mice. Jamais entendu parler d'eux avant. On va s'écouter le titre donc introduit l'album My Geranium Are Bulletproofs. On est en 1979. Le titre s'appelle Minstrel Radio Yogurt. Tout un programme. On vient d'entendre à l'instant donc The Deep Freeze Mice, le titre qui introduit leur premier album, donc My Geranium Are Bulletproofs. Ils l'enregistrent en 79, donc en une seule journée, comme je vous disais tout à l'heure, et personne n'en veut. Il n'y a aucun label qui a envie de sortir cet album, et donc du coup, ils sont obligés de créer leur propre label. C'est le cas souvent des groupes de la Nursery Zone List qui sont amenés à être à la fois musiciens et producteurs. C'est le cas donc des Deep Freeze Mice qui créent leur label Moll Humbling, si je dis pas de bêtises, et distribuent leur premier album avec des pochettes faites main. Ils font 250 exemplaires et les distribuent dans leur voiture. Et à leur grande surprise, ça se vend très très vite. Et voilà, c'est un des paradoxes, le deuxième paradoxe de Deep Freeze Mice. Il tient sur cet album My Geranium Are Bulletproofs, parce que la face A, c'est comme ça, 9 chansons, un brin déconnante, voire carrément déconnante, hein, il y a un peu de l'esprit Monty Python là-dedans, musicalement et surtout au niveau des textes. Et la face B, C'est un espèce de collage de 25 minutes. Pour le coup, on est vraiment dans la musique arty. Un propos beaucoup plus sérieux, pour ne pas dire prétentieux. Je ne voulais pas passer parce que, tout bêtement, on a pas mal de musiciens dans cette liste, là, depuis qu'on l'explore, qui se donnent au collage et qu'on fait des choses vraiment fabuleuses. Là, c'est sympa, ça s'écoute une fois sans déplaisir, mais ce n'est pas non plus ce que je retiendrai de ce groupe-là, des Deep Freeze Mice. C'est plutôt la face, petite chansonnette déconnante et sans prétention. Et pourtant, les gars en avaient plein de prétentions. Ils avaient vraiment l'intention de devenir les Beatles, de devenir célèbres, et sortent leurs albums, là, comme ça, petit à petit, sur ce label-là, et finiront par toucher un gros label par la suite, d'ailleurs. C'est vraiment surprenant. Et encore un autre paradoxe de ce groupe-là, c'est qu'ils se revendiquent comme étant des non-musiciens, et c'est vraiment le cas, parce qu'ils font des lives hyper foireux. C'est un peu leur spécialité, de faire des lives foireux et de galérer à trouver des dates. Je crois que c'est en 1980 là, qu'ils arrivent à choper 3 dates d'affilée dans un célèbre club. Et toujours à Leicester, si je le dis bien. Voilà, c'est 3 soirées consécutives. Donc la première soirée, le bassiste Matt Bunnage, il se casse l'orteil parce que le chanteur Jenkins lui fait tomber un caisson de basse sur le pied. Casse l'orteil, ok, donc concert foireux qui doit s'arrêter au bout d'une petite demi-heure, ok, deuxième concert le lendemain, pas de problème, ils arrivent à dégoter comme ça au pied levé un bassiste de remplacement, mais c'est une catastrophe, le gars connaît pas les morceaux, et en plus, c'est pas forcément entendu sur ce morceau-là, mais c'est quand même des musiciens qui sont fortement influencés par Zappa, et ils essaient de faire des choses un peu difficiles, compliquées, des montages un peu alambiqués, des rythmiques impairs, et j'en passe et d'autres constructions difficiles, du coup, c'est trop compliqué pour ce nouveau bassiste qui jette l'éponge. Pas de problème, l'orteil du premier bassiste va mieux. Ok, on va pouvoir faire le troisième concert. Et donc là, c'est parti, ils font le troisième concert et ça se passe plutôt bien, ça se passe même plutôt très bien. Du coup, ils se disent, ok, pas de problème, on va jouer notre chef-d'œuvre. Et leur chef-d'œuvre, c'est un titre qu'ils sont en train d'écrire et qui sortira 2 ans plus tard dans un album et qui s'appelle Godzilla Loves Me, I'm Ashtray. Godzilla même, parce que je suis un cendrier. Bon, tous les titres de Deep Freeze Mice, hein, ça vaut vraiment le coup d'œil à la pochette, parce que les titres sont tous hilarants, et c'est un truc qu'ils garderont tout au long de leur carrière. Donc du coup, ils sont là, ils vont, ok, on va jouer ce shader, Godzilla Loves Me, I'm an Ashtray. Mais c'est un morceau qui est tellement compliqué, et puis ils l'ont écrit il y a tellement pas longtemps, qu'en fait, ils galèrent complet. Ils se foirent, ils se plantent dans les mesures, ils partent sur un plan alors qu'il ne faut pas partir sur un plan, ils ne sont pas ensemble. Résultat, les propriétaires du club là, commencent à être un peu désabusés et gavé depuis 3 jours de concert, décide de carrément couper le courant en plein milieu de ce morceau-là en disant bon, c'est fini, là c'est une catastrophe. Et c'est vrai que ce groupe Deep Freeze Mice, voilà, c'est des musiciens qui ont la trouille sur scène, qui sont pas bien, qui savent pas jouer sur scène, c'est pas leur délire, c'est plutôt des musiciens de studio. Et c'est un des paradoxes, et je terminerai avec le dernier paradoxe, enfin pour moi, c'est que c'est vraiment bon, voilà, c'est un groupe un petit peu foireux, déconnant, et qui se prennent pour les Beatles, etc. Mais au final, les gars vont sortir 12 albums. Leur carrière s'arrêtera en 2014. Rencontreront un certain succès, plutôt dans le monde underground que dans le monde mainstream. Mais voilà, un groupe qui a su trouver un public, une régularité d'albums, c'est pour devenir, allez, j'ai envie de dire, un groupe culte. Ce qui est assez fou quand on écoute la musique et qu'on connaît leur histoire. Et je vais finir cette exploration donc de The Deep Freeze Mice par un autre titre, toujours de cette face A, la face un peu déconnante, un titre que j'ai personnellement adoré. Et même si vous n'êtes pas des gros anglophones, si vous avez 3-4 notions d'anglais, je crois que vous allez à peu près comprendre de quoi ça parle. Et c'est plutôt drôle, on y retrouve l'esprit Monty Python. Le titre donc s'appelle « I Vote Conservative ». 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Margaret, my girl, you're driving me insane. You make me swallow my cigar and choke on my champagne. Your speeches are so exciting that I don't know what to do. I vote conservative, 'cause I'm in love with you. kissed till I saw you on TV. When you spoke, I realized you were the only one for me. So I sold my old centurion and all of my hand grenades too. I vote conservative. To offer until I heard you explain everything so concisely. And now I realize that all I have ever truly desired is a government based on common sense. I vote conservative, 'cause I'm in love with you. Oh, I'm in love with you. Oh yeah. I joined. Now I'm really where it's at. I think I'll buy a bigger car and practice being fat. You have opened up to me a world that I never knew. I vote conservative, 'cause I'm in love with you. Conservative, 'cause I'm in love with you. Mais donc, quelle c'est... chanson d'amour. Ouais, carrément. Donc, chanson d'amour, hein, vous l'aurez compris, chers amis auditrices, qui s'adresse à Margaret Thatcher. Voilà. Allez là. On est en 1979. Et voilà. Donc, du coup, je recommande particulièrement plutôt la face A donc de cet album-là, My Geranium Are Bulletproof. Et comme l'a fait remarquer Guénaud, je me suis arrêté là pour l'exploration de ce groupe-là. C'est dommage, ils ont 14 albums. Je m'y jetterai un peu plus tard, mais comme celui-là est le seul qui explique leur figuration dans cette liste, je me suis arrêté sur cet album-là. Nico, tu connaissais ? J'ai un album de eux et j'ai un peu le même sentiment que c'est un groupe pour moi qui est un peu, comment on dit, double. Il y a des choses que j'aime bien, il y a des trucs que je n'aime pas du tout, mais j'aime bien aussi, j'ai un album, mais je ne trouve pas directement le titre, qui était sur le label Cordelia et qu'il y a avec les chats. Tous les pochets, c'était avec des chats. Et ça m'a attiré pour acheter l'album à l'époque, mais arrivé chez moi à la maison, c'était chouette. Mais après, j'ai plus acheté des autres albums de eux. Mais j'ai vu aussi qu'ils ont travaillé avec des autres personnes qui me, dans la scène londonienne qui m'a vraiment inspiré. J'essaie de retrouver leur nom. Mais je n'arrive pas directement. C'est comment ça s'appelait? Mais je n'arrive plus. Donc c'est peut-être pour une autre fois que je dois revenir à ce nom-là avec les gens qu'ils ont joué ensemble. Qui pour moi c'était des musiciens que j'adore vraiment. Mais eux m'ont jamais vraiment convaincu. Peut-être que live c'est peut-être beaucoup plus intéressant de le voir. Mais sur disque, je suis pas chaud de. Ouais, c'est pas directement mon truc. Ouais, je comprends. Ouais. Ça m'a un peu laissé ce ressenti-là. Inès, c'est à ton tour, très cher. L'émission se termine et comme à chaque émission de ces hors-série, je termine avec des groupes sur lesquels tous les cinq, Guénaud, Manu, Tony, Nico et moi, on est un peu réticents. Des groupes qui nous inspirent pas trop. Au premier abord, mais que moi je trouve intéressant d'aller chercher un peu plus loin que ce qui se passe dans l'oreille et de voir pourquoi on crée ce genre de musique-là. Et ce soir, je vais vous parler d'un groupe, qui s'appelle Dada Zouzou, qui compose un album avec le chanteur Lérine en 1971. On est en Allemagne. L'album s'appelle Der Gumkit Noop Pelsong, excusez pour mon accent germanique un peu mauvais. Un album qui sort d'une rencontre du coup avec Lérine, qui est un chanteur donc plutôt folk qui se cache sous le nom en vrai de Dieser Dem, qui se trouve être actuellement député en Allemagne, comme quoi il faut tout dans le monde. Voilà, ils se couplent, ils se mettent ensemble et ils créent cet album, donc face A, face B, ce vinyle qui est sorti en 71. On est sur de la chanson politique, on est sur un mélange de poésie, punk et de fond jazz fusion, jazz rock, dont Dada Zouzou a le secret à ce moment-là. Une musique, en tout cas les 6 minutes de musique qu'on va écouter sont clairement des musiques politiques. Moi, ça me fait penser à Charlie Checkpoint que j'avais présenté il y a quelques temps, de musique revendiquée politique qui dénonce ce qui se passe à ce moment-là en Allemagne. On est sur une musique là, en tout cas, qui parle de violence policière. Et qui parle de violence policière d'une manière tout à fait étonnante, puisque toute la chanson tourne autour d'une métaphore entre la matraque des policiers et le pénis. On a sur 6 minutes à peu près la même phrase qui répète si pour ne pas me tromper, je reprends toute l'autorité de l'État vient du pénis, toute la terreur vient du pénis. Ça dénonce très clairement une domination capitaliste masculine, et ça sort en 71, donc c'est assez fort. Comme quoi les choses ne changent pas finalement, et on est toujours sur les mêmes combats. Une musique qui, moi, m'a inspirée, que je trouve très étonnante, un mélange de styles dont je ne m'attendais absolument pas, et que je trouve très intéressante à passer ce soir. En fouillant un peu sur Internet, j'ai trouvé 2-3 articles, 2-3 blogs qui parlent de ce groupe. Dada Zouzou n'a pas vraiment d'informations dessus. Je pourrais même pas vous dire quand est-ce qu'ils sont formés, qui ils sont ou qui elles sont, si elles ont fait des albums, si ça a duré longtemps ou pas. J'en ai aucune idée, j'ai rien trouvé. Par contre, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant pour remettre en contexte de cette musique-là, et je pense que c'est important pour l'apprécier. En 99, sur un webzine, sur un zine allemand, une personne dont je n'ai pas trouvé le prénom raconte sa première rencontre avec Dada Zouzou et Lérine. Et cette personne dit ça. Un samedi après-midi de l'été 1971, ou peut-être 72, alors que je rentrais d'un concert en plein air d'un groupe de jazz rock local appelé Dada Zouzou, un nom considéré comme cool à l'époque, j'ai pris un mauvais virage et j'ai fini dans le quartier Schumannstrabe, où j'ai entendu la reprise de Tired of Waiting des Kings retentir dans un énorme haut-parleur sur un balcon. Il y avait une fête dans la rue. Des personnes plus âgées, mais aussi plus jeunes, plus jolies et plus libres que mes parents, dansaient, mangeaient, fumaient et buvaient. Beaucoup d'entre eux étaient nus. En plein milieu de la rue, il y avait un bureau avec une machine à écrire dessus pour que chacun et chacune puisse écrire ce qu'elle voulait. Une sorte d'écriture automatique collective. Je ne me souviens pas avoir osé écrire quelque chose, je n'ai même pas parlé à personne, j'ai juste regardé. Quand je suis partie, une petite heure après, il y avait une chose dont je savais avec certitude. C'est ici où je veux être, c'est cette scène-là dont parlent mes disques et mes magazines, cette musique dont les photos couvrent les murs de ma chambre. Et je trouve que c'est une belle approche pour découvrir ce morceau qu'on va écouter. Il dure 6 minutes, il est très court. Mais essayons de nous remettre dans un contexte d'Allemagne en 1971, de fêtes dans les rues, malgré un contexte politique complexe. Et je pense que vous allez apprécier ce petit morceau. Das ist der Komiknüppelsong gewidmet dem Frankfurter Polizistenführer Arich Penitz. Ich bin der Gummiknüppelpenitz mit dem harten Gummipenitz. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Ich bin der Penitz von der Börse und so mach ich meine Perse. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Ja, ich bin roh vor Empörung über rote Zerstörung. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Bei Alarm wird mir warm und mein Knüppel wird nicht lahm. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Meine Frau lässt nicht sein, steckt den Knüppel lieber rein. Knüppel raus, Knüppel rein. Doch meiner ist kleiner und mein Herz ist reiner. Soll niemand drin wohnen als der Knüppel allein. Ich bin der Gummiknüppelpenis mit dem harten Gummipenis. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Ich bin der Penis der Finanzen und lass deutsche Bullen tanzen. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Ja, ich bin roh vor Empörung über rote Zerstörung. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Diese Gangster, diese Linken, die von fremden Tassen trinken, Fensterglas zerstören, von den Spitzenexporteuren. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Die unerlaubt scharen sich mit Lust und Liebe paaren. Knüppel raus, Knüppel rein. Doch meiner ist kleiner und mein Herz ist reiner. Soll niemand drin wohnen als der Knüppel allein. Ich bin der Gummiknüppelpenis mit dem harten Gummipenis. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Ich bin der Penis der Finanzen und lass deutsche Bullen tanzen. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Ja, ich bin roh vor Empörung über rote Zerstörung. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Ja, die Frauen der Etablierten, die mit allem gern koitierten, haben einen heißen Wunsch. Der schwarze Panda soll über uns oder der rote Danny mit seiner Barrikadenpotenz. Ihre Männer, lahm und gichtig, sind empört und eifersüchtig. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Und so wird in Frankfurt baldigst der Elektrostock gespürt, auch von höheren Kreisen in die Untern eingeführt. Ich bin der Elektropenis mit dem elektrischen Penis. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Ich bin der Penis von der Börse und so mach ich meine Verse. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Ich bin geladen vor Empörung über rote Zerstörung. Bin elektrisch vor Empörung über rote Zerstörung. Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack. Nach diesem Liedchen, all der Terror kommt vom Gliedchen. Es pflanzt sich fort per Frustration von Vater und Mutter wohl auf den Sohn, vom Studienrat wohl auf den Schüler. Gezeichnet Psychoanalyschen Müller. Alle Staatsgewalt kommt vom Penis her. Still, da lacht doch wer, da lacht doch wer. Was freut sich da? Das Kapital bleibt ungeschoren noch einmal. Da still, wie's will, die Fäden ziehen, solang wir nur die Marionetten sehen. Doch die Herren der Marionetten sind dieselben unserer Ketten. Knüppel in den Sack, Katze aus dem Sack. Und es knüppelt mit und tritt das Kapital für den Profit. Knüppel in den Sack, Katze aus dem Sack. Doch wir sind die Millionen, unsere Einheit hält sich lohnen. Ja, das wär unser Knüppel aus dem Sack. Und wir hauen ihm diesem Frackpack auf den Lack. Et voilà, un morceau court et en même temps tellement intense. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce groupe-là, Charlie Checkpoint, où autour d'une table ronde, ce groupe-là, donc en 73, dit, bah voilà, en fait, si il faut jouer du violon pour toucher un public qui aime écouter du violon, bah on va faire ça. Moi, ça m'a fait écho à ce groupe-là qui, du coup, part dans une sorte de balade un peu dessin animé, film, un peu kitschou, même je pense à ce moment-là, pour en fait juste parler d'un discours politique qui à ce moment-là est très important dans un contexte politique dur. Et je trouve ça génial en fait de se réapproprier la musique de manière politique. Et je sais qu'on le fait beaucoup ici à vraiment autre chose et que c'est quelque chose qui est important pour nous. La musique, les mélodies, les plans, les rythmes, c'est important. Mais finalement, on a un message derrière, on défend des valeurs et des choses. Et je trouve ça génial de pouvoir se redire ça, que bah voilà, dans les années 70, y avait des gens qui faisaient ça et qui disaient, bah, en fait, même si on ne sait pas faire de la musique, ou en tout cas, ça ne correspond pas à notre milieu, bah, on a envie de toucher des gens avec ce qu'on a envie de dire et on va le faire. Et ça donne voilà, des formations et des musiques comme celle-là. Et que je trouve très intéressante aussi dans cette liste qui nous fait explorer plein de nappes et plein d'univers différents entre du psyché, entre du crotrock, entre de l'électro, entre du contemporain, du concret, et d'avoir ces petites musiques-là qui arrivent. Ben voilà, c'est agréable et c'est chouette pour terminer cette émission. Et elle se termine cette émission, comme tu le dis, très bien. C'était très joli ta fin de présentation, Inès. Rien à rajouter à ça, vous venez d'écouter vraiment autre chose sur Radio Radio. Au pied de la lettre, c'est la tentative d'exploration de la Nurse with Wound List par les chroniqueurs et chroniqueuses et camarades en présentiel et en distanciel de vraiment autre chose. Et il est venu le temps du récapitulatif de fin d'émission. Nico, c'est toi qui as entamé la danse. Tout à fait, on a commencé à Londres avec un duo qui ont eu deux noms différents. On a eu Couple, on a entendu le morceau Clubba, Couple, qui était sorti en 1980 et ça venait de l'album Like This for Ages. Et on a enchaîné directement avec deux autres morceaux de même duo, mais sur un autre nom, qui s'appelait Dome. Et on a entendu deux morceaux. Le premier était Madman, qui était sorti en 80, et Cancel Your Order, aussi le premier album de Dome. Ensuite, je vous ai amené aux États-Unis à Chicacha, dans l'Oklahoma, pour découvrir l'unique album du groupe Debris, qui a tout vécu en 75, sa création, l'enregistrement de son album et sa dissolution, et qui laisse un seul album, mais quel album, Static Disposal. On en a écouté 6 extraits, on a écouté One Way Speed, Female Tracks, Witness, Manhattan, on a écouté Tricia et on a fini par Flight Taken. Donc voilà l'exploration de la moitié de l'album Static Disposal de Debris. On était en 1975. Ensuite, c'est Geno qui a pris la parole et qui nous a parlé de Zian, un groupe allemand de rock psyché très, très orientalisé et très beau. Ensuite, c'est toi Nico avec le groupe dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Lequel ? J'ai pas bien compris. Le groupe dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Mais lequel ? Eh bien, il y en a tellement. Celui-là s'appelle Dutch American Freundschaft. Ah voilà. Oh tu vois, chapeau, bravo. Et tu nous l'as un peu raconté leur histoire à travers, je crois, deux albums, un extrait de live. Tout à fait. Donc on a le premier morceau venait de leur tout premier album qui s'appelait Produkte Deutsch-Amerikanische Freundschaft, qui était sorti en 79, au moment qu'ils étaient encore comme quartet situé à Düsseldorf. Et après, on a entendu trois morceaux qui venaient de leur deuxième album, où une partie était enregistrée à Düsseldorf dans le studio de Connie Plank, et le reste était enregistré à Londres d'un concert concert de pré-concert de Wire. Et on a entendu le morceau Die lustigen Stiefel, Coco Pino et Kinderfunk. Après, je vous ai ramené en Angleterre à Leicester à la découverte des prétentieux, des ambitieux, et en plus, ils sont arrivés au bout de leurs ambitions, The Deep Freeze Mice, ambitieux et plein de paradoxes. Et on a découvert donc deux titres de l'album My Geranium Are Bulletproof, sorti en 1979. On a commencé avec le premier titre, Minstrel Radio Yogurt, et on a continué avec le culte I Vote Conservative, Cause I'm In Love With You. Ensuite, c'est Inès. Et oui, j'ai fermé la danse avec un morceau éponyme de l'album, Der Gunki Gummik Kumpelsong, sorti en 71 du groupe Lerin et Dada Zouzou. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. On va clore cette émission par deux morceaux bonus track, du coup. On va commencer par la face A de l'album de Coupole, la face 45 tours, le titre Like for the Edges, titre extrêmement court mais dans lequel Nico n'arrive pas à rentrer. On va voir si on le rejoint dans cette impression. Et ensuite, le titre indispensable pour comprendre l'œuvre de Dutch American Franchise, à savoir Der Mussolini. Voilà, c'est ces deux titres-là qui vont clore l'émission. Je vous invite à rester sur Radio Radio par la suite, parce que j'ai la playlist devant moi, c'est mortel. Il y a ZX, Radical Satan, Estrada Sphere, Fred Fries, Typographica, les japonais de Typographica, c'est fantastique si vous ne connaissez pas. Il va y avoir du Vialka, du Joy Azotoy, Panda Beer, Bastards, Gong, enfin c'est mortel. La playlist là qui vient, franchement, restez à l'antenne, ça vaut carrément le coup d'oreille. Et moi, je vous dis rendez-vous à jeudi prochain, cher camarade de au pied de la lettre. Tu seras là, Nico, jeudi prochain ? Normalement, oui. Normalement, oui. Magnifique. Eh bien, on aura aussi Guénolé, probablement un autre camarade invité surprise. Et d'ici là, bonne fin de soirée. Donc, on se quitte avec Coupole et Dutch American Franchise. Bisous, tout le monde. Ciao, ciao. It's natural to be nervous.